c'est mort, mort, on n'est pas assez fort pour supporter les erreurs, de toutes les torts, pour les gens s'embarquer vers une vie programmée qui privilégie l'uniformité. Quand je marche dans la rue, j'ai souvent eu une impression déjà vue de voir tous ces gens, loups de gens fréquentables, tous différents, mais tellement semblables. Voilà dans quel monde nous nous sommes embarqués. Reste dans la masse sans te faire remarquer et joue le jeu, respecte les règles. Tu seras jamais du côté des faibles. Trace ta route, n'oublie pas, ne te retourne surtout pas. Et regarde, tu as toute la vie devant toi. Trace ta route et pour ton bien, regarde un peu plus loin que le bout de ton nez, et tu verras, ce sera parfait. C'est mort, mort, pas assez d'efforts. On dégrade, on détruit sans relâche ni remords. Et on croque dans la pomme, on se lâche, on consomme. Le monde va crever après le passage des hommes. Du côté éphémère, des relations qui nous conduisent parfois sans raison à rejeter notre entourage pour quelqu'un qui n'était de toute façon que de passage. C'est pour ça qu'on est tous prêts à se vendre pour une femme, pour du fric. Et sans comprendre, on soit plus personne âgée. Sans pouvoir bouger, on a simplement oublié d'exister. Trace ta route, n'oublie pas, ne te retourne surtout pas. Et regarde, tu as toute la vie devant toi. Trace ta route, et pour ton bien, regarde un peu plus loin que le bout de ton nez, et tu verras, ce sera parfait. Je veux pas qu'on mette ta camisole de force, ni qu'on m'écorche nos torses avec un jet de force féroce, ni qu'un mec en blouse blanche me branche sur une planche et que je rentre en transe sans que je pense à toute cette violence. Je veux qu'on foute la paix et qu'on me laisse mener la vie que j'ai décidée. Je veux continuer à rêver, la musique pour avancer. Et si ça marche pas, au moins j'aurais essayé.